le déserteur qui vit avec de faux papiers. Jean qui a l'huissier aux fesses depuis qu'il est né. Alfred le banquier qui a failli réussir, mais qui est maintenant failli. Berthe qui voulait devenir une énorme star, et qui est énorme, oh, ça bien sûr, mais pas star. On se retrouve tous les soirs, pour boire, et on oublie tout, enfin, presque tout, qu'il y a la police, la justice, qu'il y a des amours qui finissent, qu'un homme caresse ta cuisse en ce moment, quelque part, et on oublie, qu'on n'est pas des génies, oh non, qu'on n'est même rien du tout. Vu au travers de la bouteille, l'écrivaillon se croit Corneille, le lâche se prend aux merveilles pour Chambard. La Berthe qui se lève. Je vais dire un poème de ma composition. Hey, enfin dis-le quand même. Personne n'écoute, mais tant pis. Quand elle a fini, debout, on l'applaudit comme des fous. C'est le tabac. Berthe rougissante, salut. Alfred lui propose de monter pour elle une revue. Il signe un chèque, aussitôt. 1, et puis 0, 0, 0. Il oublie, et on oublie, que dans son coffre, c'est le vide absolu. Voilà Berthe qui repique au truc, qui nous dit Phèdre, et voilà Luc qui nous glapite un air de gluc blanc, c'est parti. Un tour de plus, et on oublie, et on oublie, et on oublie tout, enfin, presque tout. Et quand ça se dissipe un peu l'ivresse, on se fait cuire deux œufs. Si tu bois sans manger, tu vas pas loin, tu sais. Harry, qui n'en revient pas de n'avoir plus 20 ans, qui peut pas, qui veut pas admettre, qui dit non autant, ouvre son corsage et dit foyer. Est-ce que ça s'écroule, ça? Mais tâtez, quoi! Tâtez! On la tâte un peu pour pas qu'elle pleure, mais sans entrain. Si je n'entre pas dans le délire de mes voisins, ils n'entreront pas dans le mien. J'ai besoin qu'ils jouent le jeu pour que j'oublie que ce n'est pas toi qui es dans mes bras, mais une fille qui veut bien dire Jacques je t'aime, pour que tout chavire, pour que je me croie revenu au temps d'autrefois, pour que j'oublie tout enfin, presque tout, pour que rougisse mon feu éteint, pour que je sois moins orphelin, pour que je puisse vivre au moins jusqu'à demain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la